Chapitre 14. Le mari de la duchesse d'Orléans. Le chevalier de Passavant ne témoigna aucun étonnement. Il lui sembla tout naturel qu'une femme de cœur, fût-ce une reine, eût été intéressée par le malheur d'une si aimable, si jolie, si gracieuse petite fille, et se fût rapidement attachée à elle. Il ne dit donc rien. Mais en lui-même, il bénit la reine et se jura que si jamais elle avait besoin de la vie et du sang d'un homme, cette vie serait la sienne. Ce sang, il le répandrait avec joie pour celle qui avait consolé les derniers jours de Roselys. Il salua Saïtano d'un léger signe de tête, rejeta sur ses épaules son manteau séché et sortit sans que, de son côté, le sorcier eût dit un mot d'adieu. Saïtano verrouilla sa porte. Et en se retournant, il vit une femme grande, sèche, grisonnante de cheveux, l'œil étrangement froid qui le regardait. « Eh bien, Gérande, il faut donc que toujours tu écoutes aux portes ?» dit le sorcier. « Tu as vu, hein ? Tu as entendu ? Qu'en dis-tu ? » « Je dis, répondit Gérande, que vous avez eu tort de laisser partir ce jeune homme. » « Par le sacré grimoire !» On voit bien que tu n'as pas éprouvé la force de son poignet. Mais je le retrouverai, Gérande. Il ne perdra rien pour attendre. Et d'ici là, comme de grandes choses se préparent, comme la reine va avoir besoin de dévouements aveugles, tu vois, j'ai fait de ce jeune homme un serviteur fidèle jusqu'à la mort, tu peux me croire. C'est égal, reprit Gérande. Vous avez eu tort de le laisser aller. Et cette fois, cette femme prononça ces paroles d'un accent de si froide et prophétique menace que le savant, l'homme que rien n'ébranlait, se sentit troublé au fond de l'être comme on l'est quelquefois au milieu de la nuit par le soudain ululement des oiseaux de mauvais augure. Mais bientôt, secouant la tête, « Pauvreté que tout cela, et que m'importe même le sort du royaume de France, de tous les royaumes, le sort du monde, allons travailler. » « Je suis sur le point de trouver, Gérande. Le grand œuvre, comprends-tu ? Viens, Gérande, montons voir Laurence d'Embrun. »« La mère de la petite Roselys, » dit Gérande avec son calme sinistre. Et tous deux s'engagèrent dans un escalier de bois qui montait, en tournant, jusqu'à l'unique étage de la vieille maison de la cité. Cependant, le chevalier de Passavant s'était éloigné de cette maison, où il était peut-être venu chercher un peu d'espoir, et où il n'avait trouvé qu'une douleur. Absorbé qu'il était par ce qu'il venait d'apprendre, il vagua au hasard dans la cité, sans se soucier de savoir où le conduiraient ses pas, et se disant qu'il serait toujours temps de frapper à une porte d'auberge. Il s'éveilla tout à coup de ses songeries couleur de deuil et de tristesse, et avec étonnement se vit au milieu d'une foule, parmi des lumières qui éclairaient une rue étroite, véritable boyau où trois chevaux n'eussent pu passer de front. Ces lumières venaient des devantures de plusieurs cabarets qui, malgré les ordonnances, malgré le guet, demeuraient ouverts la nuit jusqu'à une heure assez avancée. Cette foule de gens qui allaient, venaient, se croisaient, ricanaient, échangeaient de terribles plaisanteries, était composée en majeure partie de gendarmes en casaque de buffle et de gentilshommes soigneusement masqués. Au milieu de ces gens évoluaient, seuls ou par groupes de deux ou trois, des jeunes femmes presque toutes vraiment jolies, fardées avec un art sûr, d'autres rieuses, beaucoup richement vêtues de soie et de fourrure, toutes portant les mêmes insignes qui leur étaient imposés par l'ordonnance de 1367, le collet renversé, les plumes de jais à leurs cheveux, la ceinture d'argent à la taille. Cette rue s'appelait le Val d'Amour. La plupart de ces marchandes de sourires qui hantaient ce lieu célèbre étaient plus modestes et de plus bienséantes tenues que les malheureuses du champ Fleury, les mégères de la rue Coupe-Gueule ou les tristes filles de joie de la rue Tiron et de la rue Bayoé. Le chevalier de Passavant, tout à coup, fut interpellé par une fille pâle, aux yeux noirs, profonds, qui sourit tristement et lui dit « Bonsoir, beau capitaine. Voulez-vous faire une bonne œuvre ?» « Voyons, sourit Passavant, je ne demande pas mieux. »« Oui, j'ai vu cela tout de suite. Eh bien, il s'agit tout simplement de me faire souper. Figurez-vous, mon gentilhomme, que depuis hier, je n'ai mangé qu'un morceau de pain. »« Passavant fouilla dans son escarcelle, en tira un écu d'or et le tendit en disant doucement « Excusez-moi de ne pas souper avec vous. De vrai, je n'ai pas faim. Mais laissez-moi vous offrir. » Il ne savait trop que dire. La fille à ceinture d'argent prit la pièce, la regarda et s'écria « Mais c'est un écu d'or. Vraiment, je… » Elle tremblait. L'aubaine lui semblait incroyable. Déjà, Passavant esquissait un geste d'adieu. « Ohé !» cria à ce moment une voix. « Ohé, Doctonville, voici Hermine Valenciennes qui te veut trahir. Arrive un peu voir. » « C'est bon, Guillaume d'Oscas, » répondit une autre voix, rude et avinée. « On y va. À moi, courteuse, à moi de Guine. » Trois gentilshommes sortaient en titubant d'un cabaret et rejoignaient celui qui avait poussé le cri d'alarme. L'un d'eux, celui qu'on avait appelé Doctonville, s'approcha en ricanant et saisit le bras de la fille pâle aux yeux noirs. « Laissez-moi, » dit Hermine Valenciennes d'une voix de terreur. « Je vous déteste, je vous hais. Laissez-moi. »« Tu viendras boire et manger avec moi, » gronda Doctonville. « Si elle le veut bien, » dit paisiblement Passavant. « Oh, prenez garde, mon gentilhomme, » trembla Hermine à voix basse. « Ces gens appartiennent à gens sans peur. Ils sont maîtres de tout. » Le chevalier du guet tremble devant eux. Ainsi. Ces gens, en effet, arboraient la croix rouge de Saint-André. C'était le fameux quatuor qu'on appelait les molosses de Jean sans peur. Il terrorisait Paris. Doctonville, de Courteheuse, de Guine, de Scas, les mêmes dont l'histoire a conservé les noms, et qui bientôt… Mais on les verra à l'œuvre. Doctonville considéra un instant le chevalier de Passavant par-dessus son épaule et ricana. « Je vous engage à passer votre chemin. »« Mon chemin est ici, je reste donc, et vous engage, moi, à lâcher cette fille. »« Non, vous ne voulez pas ?»« Eh bien. » En même temps, la main de Passavant, d'un coup sec et dédaigneux, frappa la main qui serrait le bras d'Hermine Valenciennes. Il y eut quatre hurlements de fureur. « Damnation !» vociféra de Courteheuse. « Misérable truand !» gronda de Scas. « Suppôt d'écorcheur !» grinça de Guine. « Ventre Dieu !» tonna Doctonville. « Je veux savoir la distance qu'il y a de ta peau à ton cœur et la mesurer avec ceci. » À l'instant, il dégaina. Les lourdes épées de ses trois compagnons sortirent des fourreaux et les quatre molosses se ruèrent sur Passavant. Le chevalier se trouva soudain la rapière au poing, parant, ripostant, attaquant. Il y eut un furieux cliquetis, et dans la rue des cris de femmes. Mais les quatre portaient des casaques de cuir épais. Dès les premiers coups, Passavant comprit qu'il allait être tué, sans pouvoir blesser un seul de ses adversaires à la poitrine. Il recula et sentit derrière lui les marches d'un perron. Les quatre autour de lui bondissaient, hurlaient, vociférait des insultes effrayantes et cependant s'étonnait de toujours trouver à la parade la rapière fine, vivante, cinglante. L'ennemi eût dû être tué 10 fois déjà. Il montait à reculons les 4 marches du perron d'auberge et son petit sourire aigre-doux frémissait au coin de sa lèvre. « Une !» dit-il en posant le pied sur la première marche et sa rapière cingla le visage d'Octonville. « 2 !» cria-t-il sur la 2e marche. 3 à la 3e. 4 à la 4e. Et à chaque cri, à chaque marche, siffla, cingla la fine lame qui vint s'abattre sur une joue et la rayer d'une balafre rouge. Courteheuse, après Doctonville, puis de Guine, puis de Scas. Et d'un bond, il fut dans le cabaret dont une femme lui ouvrit la porte. Il y avait eu 4 rugissements. Mais les molosses maintenant ne criaient plus. Dans le même instant, ivres de honte, sanglants, enragés, ils furent dans le cabaret où ils firent signe à 15 hommes d'armes. Tout ce monde ensemble se jeta sur Passavant en hurlant « À mort ! À mort !» Il se vit perdu. Le chevalier d'instinct s'était acculé à un angle et faisait face aux assaillants. La bande se rua, les uns armés de leurs épées, d'autres saisissant un escabeau pour l'assommer. En un instant, le cabaret fut plein de clameurs. À ce moment, tout à coup, une voix impérieuse domina le tumulte déchaîné. « Holà, bas les armes !» un gentilhomme couvert de son manteau, le visage masqué comme la plupart de ceux qui se hasardaient en ces lieux, s'avança vivement. Et comme il était escorté de 5 ou 6 gaillards qui semblaient déterminés, on lui fit place. Rapidement, il atteignit le groupe furieux que formaient Hoquetonville, Scras, Guin et Courteheuse. D'un coup sec, il releva les épées et cria « J'ai 10 balles les armes, mes maîtres !» Le ton était si impérieux qu'ils obéirent d'instinct. Il était temps. Le juste au corps de velours gris portait 8 ou 10 entailles dont 1 ou 2 sourlaient de rouge. Dans le cabaret, il se fit un grand silence. L'inconnu considérait le chevalier de Passavant, pâle, maigre, hérissé dans son angle. « J'ai tout vu, » dit-il au bout d'un instant. « Vous êtes un brave, et c'est pourquoi je suis accouru pour vous tirer de ce mauvais pas. Mort de Dieu, je me rappellerai longtemps les 4 coups de cravache, 1 par marche. » Il y eut 4 grognements furieux. « Silence, » reprit l'inconnu. « Monsieur, » ajouta-t-il, « je vous tiens pour un brave gentilhomme. Et si vous cherchez fortune, elle est toute trouvée. Il ne tiendra qu'à vous dès demain d'appartenir à ma maison. Et dès lors, je me charge de vous. » Passavant avait baissé la pointe de sa rapière. Il eut l'air de la considérer un instant. « Monseigneur, » dit-il enfin. « Pourquoi m'appelez-vous ainsi ? » interrompit vivement le gentilhomme masqué. « Parce que vos paroles, votre air, et ce que vous venez de faire, me prouve que j'ai l'honneur de parler à un noble et haut personnage. » Bien dit, firent les compagnons de l'inconnu. Monsieur est aussi spirituel que brave. Monseigneur, donc, reprit le chevalier, je vous rends 1000 grâces pour l'intérêt que vous voulez bien me témoigner, mais je me suis si peu appartenu pendant ces dernières années que j'éprouve le besoin irrésistible d'être à moi pour quelque temps. Je me vois donc forcé, à mon grand regret, de refuser vos offres, pour si honorables qu'elles soient. Mais ce que je puis vous dire, c'est que je vous dois la vie, et que je ne l'oublierai pas, quoi qu'il advienne. » Ces derniers mots furent prononcés avec une si fière assurance que l'inconnu ne put s'empêcher de s'incliner, comme si par une étrange intervention des rôles, ce fut lui qui se trouvait en reste de gratitude avec celui qu'il venait sûrement de sauver de la mort. En même temps, il se démasqua rapidement. Les 4 attaquants, d'un même mouvement, plièrent l'échine. Le frère du roi, le duc d'Orléans. Déjà, Louis d'Orléans, pour ne pas laisser voir son visage aux autres assistants, avait remis son masque. Mais se tournant vers Passavant, « M'avez-vous reconnu, monsieur ?»« Monseigneur, » dit le chevalier, « j'ai entendu prononcer votre nom par ces messieurs. Je puis donc vous assurer que, masqué ou non, en quelque temps et lieu que ce soit, s'il y a danger autour de vous, je saurai vous reconnaître. Eh bien, joignez-vous donc à mes compagnons pour m'escorter jusque hors de la cité. Quant à vous, » ajouta-t-il en fixant les 4 qui se courbaient, « prenez garde. » Et il sortit, suivi de ses gentilshommes et de Passavant. Quant aux 4 molosses de gens sans peur, ils disparurent empressés par un autre chemin. Dans la rue, le chevalier sentit tout à coup sur son bras une main fine et tremblante. Il se retourna et reconnut la jeune femme qu'il avait arrachée aux violences de Hoquetonville. Elle baissait les yeux. Elle murmura. « Adieu, mon gentilhomme. J'ai voulu vous dire mon nom. Je m'appelle Hermine Valencienne. » « Allons, » fit doucement le chevalier. « Ne pensez plus à ces mauvais gentilshommes indignes de porter l'épée. Vous êtes belle. Je vois à vos yeux que vous avez du cœur. Quittez cette rue, si vous m'en croyez. « Quittez !» Il allait dire « Quittez le triste métier que vous faites. » Il se retint, crainte de chagriner la pauvre fille. La tête baissée, elle considéra un instant la boue de la chaussée, regard terrible qui voulait peut-être dire « Cette boue fut mon berceau. Elle sera ma tombe. » Enfin, elle murmura « Adieu, beau capitaine. Dieu vous garde. » Elle s'enfuit, tenant dans sa main crispée la pièce d'or que lui avait donnée le chevalier. Le chevalier quitta le duc d'Orléans à la porte de son hôtel seulement, refusa encore l'offre qui lui fut faite de prendre du service dans la maison du frère du roi et s'en alla passer la nuit en l'auberge du fameux Thibault le Poingre, sise sous l'enseigne de la truie pendue, dans la rue Saint-Martin, juste en face le logis de Passavant. Le lendemain matin, en effet, le chevalier de Passavant, s'étant éveillé frais et dispos, ayant pansé les légères blessures dont il avait été atteint pendant la rixe, compta sa fortune, c'est-à-dire la somme que dans son escarcelle avait glissé Honoré de Champs d'Hiver. Et il raisonna ainsi. « J'ai besoin d'accoutumer bras et jambes à l'exercice, mon cerveau à penser, mes yeux à faire connaissance avec la lumière du jour. Bref, il faut réapprendre la vie. Roselys étant morte, rien ne me retient à Paris. Je vais donc prendre la campagne, et dur que dur, mener sur les grands chemins l'existence d'un gentilhomme riche, libre de ses bras, libre de son esprit, libre de son cœur. » Ayant ainsi parlé, il fit trois parts de sa fortune. Une petite pour renouveler à la friperie ses vêtements déchirés, une un peu plus forte pour acheter un bon cheval de route, une troisième, plus forte encore, pour vivre dur que dur. Ayant calculé la nourriture de son cheval, la sienne, le gîte d'étape, et tenu compte des dépenses imprévues qui sont toujours la plus grosse dépense, il estima qu'il pouvait diviser son argent en 60 parts, dont chacune était capable de lui assurer pour un jour l'existence d'un grand seigneur qui n'a rien à ménager. Il avait donc 2 mois devant lui pour refaire connaissance avec l'air, la lumière, le soleil, la pluie, les hommes, les loups, la vie, enfin. On était au 18 d'octobre. Il rentrerait donc vers le 18 décembre de la même année 1407 pour prendre ses quartiers d'hiver à Paris. Ce jour-là, vers midi, monté sur un bon cheval, il quitta Paris pour s'en aller à l'aventure. Disons tout de suite qu'en cette pérégrination, s'il trotta, galopa, respira à cœur joie, s'il reprit bonne mine, s'il vécut à sa fantaisie, il n'eut qu'une seule aventure. Ce fut de constater que si bien qu'il eût calculé, si décidé qu'il fût à ne pas dépasser d'un denier la somme journalière qu'il s'était octroyée, cette somme de dépenses fut rapidement doublée. Il en résulta qu'au bout d'une 20aine de jours, il dut songer au retour. Ce retour s'accéléra au fur et à mesure que se dégonflait l'escarcelle. Les étapes s'allongèrent en raison inverse de l'état de sa fortune. Il en résulta que le retour ne dura que 10 jours. Et le résultat final de toute cette arithmétique fut que Passavant reparut sous les murs de Paris juste 1 mois après avoir franchi la porte de Saint-Denis par où il était sorti, c'est-à-dire le 18 de novembre 1407, date que nous avons à retenir car elle est historique à plus d'un titre. C'est à ce moment que nous reprendrons contact avec le chevalier. C'est pendant cette absence de notre jeune ami que se prépara l'événement historique, la tragédie qui décida du sort de Hardy de Passavant et d'autres personnages. Le lendemain matin de cette algarade du Val d'Amour, c'est-à-dire le matin où le chevalier sortit de Paris pour se lancer en sa randonnée, Auquetonville, Scas, Courteheuse et Guine se rendirent à l'hôtel de Bourgogne situé entre la rue Montconseil et la rue Montorgueil. Ancien hôtel d'Artois, il avait été apporté en dot par Marguerite de Flandre, comtesse d'Artois, à Philippe, père de Jean sans peur. Devenu duc de Bourgogne, ce dernier en fit son habitation favorite à chacun de ses séjours à Paris. C'était un logis de redoutable aspect. C'était l'antre de Jean sans peur. Lorsque le frère du roi, Louis d'Orléans, passait par hasard près de l'hôtel, on le voyait pâlir et quelquefois il murmurait « C'est de là que sortira la foudre qui doit me tuer. » Jean sans peur reçut tout de suite ses 4 fidèles et voyant leur visage balafré d'une raie rouge, il fronça les sourcils. Les 4 grinçaient des dents, trépignaient de fureur, juraient par toutes les cornes et tous les nombris de Satan ou du pape indifféremment. Enfin, d'Auquetonville, chef en quelque sorte du quatuor de Molosse, raconta la chose. Jean sans peur écouta, les lèvres serrées, l'œil mauvais. Quand il sut le rôle qu'avait joué le duc d'Orléans dans l'affaire, il pâlit. « C'en est trop, » gronda-t-il. « Je ne supporterai pas cette nouvelle insulte. »« Pardieu, » grogna Scas, « il a très bien reconnu à qui nous étions, monseigneur. » »« Il a ricané en voyant nos croix de Saint-André, » dit Guine. « Enfer, » jura Courteheuse, « l'insigne de Bourgogne des guerres respectées. » »« C'est bien. La paix, » interrompit Jean sans peur, dans un grondement sourd. « Entre Orléans et Bourgogne, c'est une guerre à mort. L'un de nous deux est de trop. » Les joues tremblantes de fureur concentrées, il alla ouvrir une porte qui donnait sur une petite salle, et d'une voix qui monta crescendo, plus rude, plus violente à chaque appel, « Bruscaille, Bragaille, Brancaillon !» Ils entrèrent l'un derrière l'autre. Bruscaille, petit, mince, maigre, Bragaille, taille et corpulence moyenne, Brancaillon, énorme. Tous trois vous avez de ces tournures et de ces physionomies que le bourgeois n'aimait pas, à la brune, rencontrés au détour de quelques ruelles. Ils se drapaient en de vastes manteaux et portaient en travers des jambes des rapières immenses. Jean sans peur, un jour, il y avait 2 ou 3 ans de cela, les avait ramassés, affamés, dépenaillés, criant misère. Il les avait ramassés, disons-nous, à la suite d'une bagarre où il les avait vus à l'œuvre, et sans doute il avait jugé qu'ils pouvaient lui rendre des services. Enrôlé parmi les gens du duc de Bourgogne, ils étaient employés aux besognes qui exigent bon pied, bon œil et aussi peu de scrupules que possible. Des services, oui, ils en avaient déjà rendu plus d'un. Le maître les tenait en haute estime. Ils entrèrent donc, multipliant les salutations, l'un derrière l'autre, et par une savante manœuvre, s'arrêtèrent de front, par rang de taille, inclinés devant Jean sans peur. « C'est bien, » dit le maître. Ils se redressèrent, automatiques, les talons joints, la main appuyée à la garde de la rapière, et l'un à l'autre se coulèrent un joyeux regard qui voulait dire « Il va y avoir de la besogne, des coups à donner, des écus à recevoir. » Et ils attendirent l'ordre. « C'est bien, » répéta Jean sans peur, « vous me plaisez. Vous êtes mordieux, vous êtes 3 bons vivants. » À ces mots pourtant bien simples, les 3 sautèrent, livides de terreur. Jetèrent autour d'eux des yeux hagards et finalement, tirant du fourreau leur coliche marde gigantesque, « Les 3 vivants ?» glapit Bruscaille. « C'est faux, c'est faux !»« Qui dit que nous sommes les 3 vivants ?» hurla Bragaille. « Horrible mensonge !»« Qu'on touche aux 3 vivants !» tonitrua Brancaillon. « Qu'on y touche, foudre et tonnerre !» Le duc et ses gentilshommes demeurèrent effarés. « Or ça !» éclata Jean sans peur. « Que signifie ?»« Ici, drôle, ici !» À ces voix qu'ils reconnurent, Bruscaille, Bragaille et Brancaillon tressaillirent, parurent revenir au sens de la réalité. Bruscaille le premier rengaina, puis Bragaille, puis Brancaillon. Ils s'essuyèrent le front, grondant des choses connues d'entre eux seuls. « Expliquez-vous, Marot, » dit le duc. « Jamais, » répondit Brancaillon. « Plutôt la mort, » dit Bragaille. Monseigneur, dit Bruscaille, daigne votre haute magnanimité nous pardonner. Oserais-je vous présenter une supplique, tant en mon nom qu'en celui de mes 2 acolytes? Soit, parle, dit Jean sans peur, étonné. Eh bien, monseigneur, nous sommes ici bien traités, bien vêtus, bien nourris, bien payés. Et par-dessus le marché, vous nous envoyez parfois en des expéditions qui nous ravissent l'âme. Mais nous aimerions mieux être à jamais privés de l'honneur de vous servir, reprendre le collier de misère, devenir chien errant par les rues, plutôt que... Plutôt que quoi? Parle! Plutôt, dit Bruscaille d'une voix qui s'affaiblissait, plutôt que de nous entendre dire que nous sommes les 3 vivants. C'est faux, monseigneur, je vous le jure. C'est faux, répétèrent en chœur Bragaille et Brancaillon. « Assez, dit le duc de Bourgogne, vous avez eu un moment de démence, n'en parlons plus. Seulement, écoutez bien mes drôles, il s'agit cette fois d'une mission difficile. Il faut retrouver un homme dont on ne sait ni le nom, ni le logis qu'il abrite. Cet homme m'a mortellement offensé. Si vous me l'amenez mort ou vif, il y a 100 écus pour vous. Oh que ton ville, fais à ces bons garçons une description exacte du truand. » Au que Tonville dépeignit avec exactitude les traits et le costume du chevalier de Passavant. Le signalement qu'il donna s'enrichit des nombreux détails fournis par Courteheuse, Guine Escasse. Cela suffit, s'écria Bruscaille, dont le petit œil étincelait. En chasse, mort diable. J'ai toujours eu la passion de la chasse, monseigneur. Avant 2 jours, je veux avoir débusqué la bête. Et moi alors, je lui mets la main au col, dit Bragaille. Et moi alors, je l'assomme avec ceci, s'écria Brancaillon en montrant son poing gros comme deux poings d'homme ordinaire. Eh bien, on chasse donc, mes braves, s'écria Jean sans peur. Tous trois ensemble se courbèrent, se redressèrent et sortirent. Hoquetonville les escorta jusqu'à la porte de la salle, et comme ils descendaient l'escalier, « Hola ! » fit-il, « je ne vous ai point dit où il faut chercher le truand. »« Et où faut-il chercher ? » cria Bruscaille. « Dans la cité. » Et Hoquetonville referma la porte. Dans l'escalier, les trois sacripants s'étaient arrêtés tout net et se regardaient avec des yeux terribles. Bragaille tremblait sur ses jambes. On entendait Brancaillon souffler comme le bœuf de l'abattoir. « Sortons toujours, » dit Bruscaille. Quelques instants plus tard, ils étaient hors de l'hôtel de Bourgogne. Mais au lieu de se diriger vers la cité, sans se le dire, d'instinct, ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent vers le temple. Là, les maisons se faisaient plus rares. Ils avisèrent un bouchon où venaient se rafraîchir les maraîchers et se réfugièrent dans la salle la plus reculée. Ils dégrafèrent leurs flamberges qu'ils posèrent sur la table, et lorsqu'ils eurent fait apporter un broc de vin et des dés, « Nous aurions dû aller un peu plus loin, » fit Bragaille, l'homme prudent de la bande. « Puisse la cité s'engloutir une bonne fois dans le fleuve, » grogna Brancaillon. « Mes enfants, » dit Bruscaille, « nous allons rester ici 2 ou 3 jours. Laissez faire, j'inventerai une mort convenable de celui que nous cherchons, et notre illustre maître doublera la chose d'écu qui nous est due. Quant à entrer dans la cité, j'aime mieux qu'on me coupe les deux bras. « Aie-moi les pieds, » dit Bragaille. « Aie-moi la tête, » dit Brancaillon. C'était ainsi. Une tare dans leur cervelle, peut-être, ou une idée fixe. Ils avaient vu 10 fois la mort en face, sans trembler. Mais il suffisait de leur dire « Vous êtes 3 vivants » pour les faire rentrer sous terre. Il suffisait de leur proposer un tour dans la cité pour leur faire tourner les talons.